danse en toute espérance. Ah, ah, ah. En musique aussi belle qu'il t'a là, pas ni manière pour se pas constater. Aux Antilles, nous qu'à assurer. Ni longtemps en t'es qu'à attendre ça. Ni jeudi m'en prends mon sauta là, pas ni manière de pas réaliser. Les Antilles, c'est pays bon Dieu. Ni manier pour se pas voyager, sans l'envie pas prendre de virer. Les Antilles c'est pays à l'amour. Ou obligé mettez oiseau nous, pas ni manier pour se pas remercier la chance et la divinité. La chance est la divinité.